Oui, ben mère bu ndolo won quoi ndaysan mère ku mère yo ne mère dafa maget maget mom rek dekon ci ben barakam am rek nit ñi am yermande ben sacc gaane bu dabar ci koñ bi rek ci wara jubal ci galle mère bu quoi ne re sacc mère mère bi nak gaane mu dugg mère mu teud na law mère bi dafa jeex tak tak ndol ben way pajas dal la lal fofu pajas teud quoi dina law waji dugg xol ni amul tous tous tous xol xol xol xol am lu muy sacc quoi xam nga ma lem pajas bi rek dem tub ko gaan suma demé gaan mu na ci ndiax quoi waji commencé lem pajas bi lem lem lem jek jek rek merde nak madame dañuy toxom wax rek waji lem wat rek tek toxu wa yow mère yow na nga mëna dëkk fi amoo tous ya yak sama liguey man en tant que satch international legui numay def way yo xol xol xol xol nak way yo xaar no def ma fonto sanni pajas bi rek jonkon rek waji poup neeg bi bamou fess del del del del del del xam nga nak bu benen yonante di ngeen op luñu meuna satch ndax ñun dañuy liguey voilà ay rek commencé genn rek ay way dom man kay sama ndol bi jeex na yalla rek man man nga xamé serigne bima demone man ni ha utulu mo len ludul ay dayu sacc man kay sama affaire bax na jeureu jeuf dom way sacc bi décourager rek way ramasser wat dayeb ne ko duy day de